Votre sélection débutera après cette publicité. Ce contenu est présenté par IKEA. Pour créer la chambre de vos rêves, profitez en ce moment d'une réduction de 15 % sur les lits, matelas et armoires penderies lors de la promo chambre à coucher de IKEA. Détails à fr.ikea.ca. Bonne écoute. 3, 2, 1. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La situation est absolument non contrôlée. Aujourd'hui, l'OMS a déclaré que c'était une urgence de santé publique internationale. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir opérationnaliser ces propos-là avec, l'importation de plus de capacités sur le pays en fonction de pouvoir ouvrir des centres de santé, de traitement pour l'Ebola, mais aussi former le personnel de santé, contrôler l'infection, faire le retraçage des contacts des cas index, la surveillance épidémiologique, la mobilisation de la population et son éducation. Donc, à différents niveaux, il faut que tout le monde s'y mette, on ne veut pas que ça devienne vraiment, une urgence, un état d'urgence international. Joanne Liu, à l'époque présidente de Médecins sans frontières au réseau de l'information, le 8 août 2014, l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest en 2014-2015 est la pire épidémie liée à ce virus depuis son apparition en 1976. On estime que plus de 11 000 personnes vont mourir de cette épidémie en 2014 et 2015. Pour nous raconter ce qu'elle a vu sur le terrain en Guinée, pour témoigner également des ravages que va concrètement provoquer cette épidémie d'Ebola, je reçois la journaliste Sophie Landlois. Sophie Landlois, bonjour. Bonjour, Jacques. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation de participer à cette série d'émissions spéciales où des collègues de Radio-Canada viennent nous raconter des histoires qu'ils connaissent bien. Dans votre cas, une histoire que vous avez couverte, l'épidémie d'Ebola en Guinée. Un mot d'abord sur ce que ça représente, cette crise-là. Vous dites qu'il y a eu un avant et un après Ebola, Sophie Landlois. Pourquoi? En quoi cette crise-là a-t-elle été si marquante? Parce que je pense que cette épidémie d'Ebola en 2014-2015 a vraiment servi d'électrochoc. C'est à ce moment-là qu'on a pris conscience qu'un fléau comme la grippe espagnole, c'était pas juste de l'histoire ancienne, qu'une pandémie planétaire était possible, même probable. Donc, ça a été un éveil. Alors, partout dans le monde, les grands hôpitaux ont soit revu ou dressé des plans de contingence pour pouvoir mieux réagir, répondre à une éventuelle épidémie. Donc, ça a vraiment... On s'est peut-être un peu endormi après, ouais. Mais je pense vraiment qu'on a été davantage prêts. On a mieux réagi en 2020 à la coronavirus, à cette épidémie de coronavirus à cause de l'épidémie d'Ebola. C'était aussi marquant, je pense, à cause des images. Oui. C'est une maladie atroce, l'Ebola, qui provoque des vomissements puissants, de la diarrhée. On peut mourir au bout de son sang. Donc, c'est une maladie qui provoque une grande peur. Donc, ça a aussi permis à nos gouvernements de s'attendre à devoir aussi gérer cette peur, oui, qui est parfois plus compliquée à combattre que le virus lui-même. Et l'autre raison, je pense, pourquoi ça a été très marquant, c'est que je pense que beaucoup ont été choqués face à la lenteur de la réaction de la communauté internationale. Ça a pris des mois, des centaines de morts. C'était loin de chez nous, on ne s'y intéressait pas et on s'y est intéressé quand nous-mêmes, on a été atteints par cette peur parce que des Blancs, une Européenne, une infirmière et une infirmière au Texas ont été atteints. Donc, ça a choqué beaucoup de monde, ça nous a pris beaucoup de temps à réagir et ça aussi, ça a marqué les esprits, peut-être autant que les images atroces, oui, des souffrances des malades de l'Ebola. Les premiers cas d'Ebola apparaissent en Guinée pour cette crise de 2014-2015. Sophie Landlois, apparaissent en Guinée en décembre 2013. Est-ce qu'on sait d'où vient le virus? Est-ce qu'on connaît les causes de l'épidémie, les origines de cette épidémie-là? On connaît le patient zéro. C'était un bébé de moins de 2 ans qui aurait touché une chauve-souris que sa mère préparait pour manger. Il est décédé très rapidement des suites de puissants vomissements, mais il a quand même eu le temps de contaminer toute sa famille, y compris sa grand-mère, qui, elle, était allée se faire soigner par un infirmier dans une ville voisine, qui, lui, a été contaminé et qu'il a contaminé le médecin qui l'a soigné, et ainsi de suite. Ce qui est important de rappeler, c'est que ce patient zéro habitait le petit village de Méliandou, en Guinée forestière. Le mot important ici, c'est forêt. Oui. Parce que une des causes probable de cette épidémie, c'est la déforestation. Une déforestation provoquée par les minières. Hein. La Guinée est un pays riche en bauxite. Rio Tinto Alca est un des plus importants exploitants de bauxite en Guinée. Une déforestation produite par les la production industrielle d'huile de palme, mais aussi par des camps de réfugiés. Parce que cette Guinée forestière, cette région-là, elle est juste à côté du Libéria et de la Sierra Leone, deux pays qui ont connu des guerres civiles sanglantes dans les années 90. Et donc, des dizaines de milliers de gens ont fui les violences dans leur pays pour aller s'installer dans cette région de Guinée forestière. Donc, une nouvelle population, donc une autre sorte de déforestation, ça a eu comme effet ça que l'habitat du gibier et des chauves-souris ayant disparu, ces animaux sauvages se sont rapprochés des villes, des zones peuplées, et il y a eu une plus forte contamination de toutes sortes de virus, y compris l'Ebola. Oui. Et le virus va de fait toucher trois pays, les trois pays que vous venez de nommer principalement. Une dizaine de pays au total, mais trois pays principalement, Libéria, Sierra Leone et Guinée. Puis on comprend pourquoi, là. C'est des populations qui... Proximité géographique d'abord, c'est très, très près. L'épicentre de l'épidémie d'Ebola 2014-2015 est vraiment dans une région juste à côté de la Guinée, de la Sierra Leone et du Libéria. Une proximité culturelle et économique aussi, parce que, vous le savez, en Afrique, les frontières ont été imposées par des colonisateurs, mais en fait, ce sont des ethnies et des familles qui vivent outre ces frontières-là et qui s'échangent, qui cultivent les mêmes forêts, qui font la même agriculture et qui traversent les frontières pour aller vendre dans les plus grands marchés. Alors, il y a une grande mobilité de la population qui a expliqué en partie pourquoi ces trois pays-là ont été vraiment très fortement frappés par l'épidémie d'Ebola. Alors, quand ça arrive, ça commence donc en décembre 2013, mais c'est vraiment en 2014, printemps, été, où on se rend compte qu'il se passe quelque chose d'important dans cette région du monde. Vous tenez, et c'est dangereux, on le sait, c'est une épidémie qui, ce virus-là, vous l'évoquiez, les images, on les a tous en tête, c'est horrible. Vous tenez quand même, malgré le risque que ça comporte, vous tenez à aller couvrir sur le terrain cette épidémie d'Ebola. Pourquoi? Sophie Landois? C'est très simple. Je pense qu'il faut mettre des visages sur les statistiques. Dans tout drame humain, si on ne s'en tient qu'au play-by-play, dans une guerre, tel ennemi a réussi à atteindre l'armée ou les groupes rebelles. Ici, dans ce cas-ci, le tueur est un virus. Et ça nous a pris tellement de temps à s'y intéresser que je me suis dit qu'une des raisons de cela, c'est que ça restait des statistiques. Et on ne peut pas s'attacher, on ne peut pas comprendre l'ampleur d'une souffrance si on ne met pas des visages, non seulement sur ceux qui en souffrent, mais sur ceux qui sont au front. Oui. Alors, le premier reportage que j'ai tenu à faire, c'était de montrer... On a souvent tendance ici à penser, quand il y a une crise dans un pays africain, que, ils attendent toujours l'aide des Blancs, des pays riches, avant de... Alors que non, ils ont été seuls au front pendant 8-9 mois. Et c'était souvent des bénévoles qui risquaient leur vie tous les jours. Donc, je voulais montrer cette réalité-là pour qu'on comprenne qu'il fallait aider à les sauver. Parce qu'ils ont la main-d'œuvre, mais il manquait de moyens. Oui. Alors, ça a été difficile à convaincre de l'importance de cela parce que, vous le disiez, c'est risqué et c'est cher. Et je me souviens l'extrait qu'on a entendu en début d'émission de Joanie Yu, quand elle est revenue de ce premier voyage qu'elle a fait au Libéria et en Guinée. Elle m'avait appelée pour venir me voir, essayer de me convaincre. Oui. Et je lui avais dit, mais c'est pas moi qu'il faut convaincre, ce sont mes patrons. Donc, elle a rencontré mes patrons pour leur faire comprendre pourquoi c'était important d'y aller. Pour moi, ça a été long, c'est toujours long, on veut toujours être là quand ça se passe, mais on est quand même les seuls à avoir envoyé une équipe, moi et Frédéric Tremblay, le caméraman. J'étais la seule journaliste québécoise à être déployée en Afrique de l'Ouest pour couvrir cette épidémie. Et je pense que c'était très important qu'on y aille. Oui, d'autant que ça a frappé très, très fort. Et pour nous le rappeler, je vous propose d'écouter deux reportages diffusés à la télé française à la fin juillet, au début du mois d'août 2014. Ce n'est pas encore le pic. Le pic, ce sera quand vous y serez en octobre. Mais déjà, à l'été 2014, on se rend compte que c'est pas banal. C'est dans un village comme celui-ci que les premiers cas d'Ebola sont apparus en Sierra Leone. Très vite, l'épidémie s'est propagée, principalement à cause des traditions locales. Ici, la famille, c'est très important pour nous. Quand quelqu'un est malade, on prend soin de lui pendant plusieurs jours. On l'emmène à l'hôpital. Et s'il meurt, on lave son corps et on l'enterre nous-mêmes. Mais depuis quelques mois, les villageois essayent d'éviter ces contacts prolongés avec les malades. Je n'ai pas envie de tomber malade. Je sais que je mourrai. La peur, désormais omniprésente. Ici, dans la province de Kailaoun, l'on sait qu'il s'agit d'une épidémie sans précédent. Ce n'est pas un virus qui se transmet facilement en se serrant la main au marché ou en se passant des billets au marché, hein, sinon on aurait beaucoup plus de cas. C'est vraiment une contagion qui se fait par un contact relativement rapproché, en tous les cas un vrai contact entre une personne infectée, excrétrice de virus, et une personne saine. Un contact avec les fluides corporels des malades, en particulier le sang. Et même les morts restent contagieux. Ici en Sierra Leone, des équipes isolent les corps des victimes. Des victimes toujours plus nombreuses. C'est la première fois que je traite un Ebola de cette taille-là. Ouais. Là, on a des centaines de morts et voilà, on a des cas qui s'échappent. On n'arrive pas à contrôler l'épidémie, ça part dans tous les sens, on a peu de moyens. Les dernières grandes épidémies d'Ebola ont frappé entre 400 et 450 personnes. Cette fois, plus de 1200 ont déjà été contaminés. Donc déjà, à l'été 2014, on l'entend bien dans ces deux reportages, on comprend que l'épidémie d'Ebola qui sévit dans certains pays d'Afrique de l'Ouest est d'une ampleur extraordinaire qui sort de ce qu'on connaît habituellement quand on parle d'épidémie d'Ebola. Puis on l'entend, hein, des contacts directs. C'est une épidémie qui fait des ravages, mais il faut vraiment un contact direct avec quelqu'un qui est infecté pour l'attraper. Mais on parlait des rites funéraires, ça va. Il y a des facteurs culturels qui font que l'épidémie donc va se répandre. Ça, c'est à l'été, ce qu'on vient d'entendre. Vous arrivez en octobre 2014, Sophie Langlois, ce qui représente le moment où l'épidémie... Le pic. Qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez? Où est-ce qu'elle en est, la population qui s'est infectée par des rites funéraires au début? Elle en est où au mois d'octobre 2014? C'est étonnant, quand on débarque à Conakry, c'est un peu... La ville continue de vivre comme si de rien n'était. Les marchés sont ouverts, les rues sont bondées de gens, de petites vendeuses avec leurs étals sur les trottoirs. Il est difficile de circuler. Aucun confinement. Les écoles sont arrêtées, bien sûr, mais c'est à peu près la seule chose qui roule au ralenti. Alors, c'est étonnant, ça. Mais ce qu'on constate aussi, c'est cette peur d'aller se faire soigner. Oui. Alors, même si l'Ebola est beaucoup moins contagieux que la COVID, parce qu'il faut, comme on l'entend dans cet extrait, avoir un contact direct avec les fluides corporels, mm-hmm. ce qui n'est pas évident. Mm-hmm. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en toussant. C'est que cette peur-là fait en sorte que les gens gardent leurs malades à la maison, les soignent et sont ainsi contaminés. Alors, ça, c'est le premier foyer, la première explication de cette contagion, du fait que ça a pris une telle ampleur. C'est la peur d'aller se faire soigner. C'est d'abord ne pas avoir cru que c'était un virus. On a pensé que c'était les Blancs qui les amenaient, donc il y a eu des attaques contre les équipes de soignants. Mais il y a aussi eu, donc, une mauvaise gestion de la part des autorités dans les enterrements. Mmh. Donc, on ne permettait pas à la famille d'y assister et ça a créé un effet contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de protéger les populations, ils ont décidé de garder les gens mourir chez eux pour être capables aussi ouais. de les enterrer. Non seulement on avait peur qu'ils aillent mourir dans le centre de traitement, mais on voulait pouvoir observer les rites funéraires. Alors, il y a eu un petit changement qui a été opéré. On a demandé des linceuls blancs au lieu de noirs, parce que dans la religion musulmane, il faut que ça soit que le mort soit entouré de tissus blancs. Oui. Juste ce changement-là. Ils ont donc, dans les centres de traitement, on a changé l'approche par rapport au traitement du cadavre et à son enterrement. On a permis à un ou deux membres de la famille d'assister. Mm-hmm. Au lavage du corps et d'assister de loin aux enterrements. Ouais. Ça a aidé, ça. Oui. Et puis, ce que vous décrivez, c'est la première grande problématique, celle qui touche vraiment l'aspect épidémiologique, la transmission. On est vraiment dans une question de santé publique. Il y a un autre facteur important qui va être intéressant dans cette épidémie de 2014-2015, c'est le facteur plus social, sociologique, culturel, drame humain. Et vous avez rencontré Valentin. On va écouter d'ailleurs un extrait du reportage que vous avez présenté à l'époque avec ce... Et c'est un reportage qui avait beaucoup frappé l'imaginaire au moment où vous l'avez présenté. On écoute donc ce reportage, puis on parle tout de suite après de l'histoire de Valentin et de ce qu'elle nous dit sur cette épidémie. Valentin vit depuis 12 ans à Conakry, où il a fait des études de droit. Il finissait son stage dans un cabinet d'avocat en août, quand il a reçu un appel de sa mère, vivant en Guinée forestière. Elle était déjà à l'agonie. Juste un mot. Mon fils, je t'aime. C'est tout ce qu'elle a pu me dire au téléphone. Alors, ma jumelle qui était à ses côtés a été aussi infectée avant même mon arrivée. Il se précipite vers son village natal et tente désespérément de soigner sa sœur jumelle. Valentine meurt dans ses bras en moins d'une semaine. Je ne savais pas que c'est de là déjà que ma petite famille était contaminée. Ma femme, Hélène Lawosakouvogui, ma fille, Valérie, ma petite fille, Madeleine, qui n'a qu'un an et trois mois, qui a résisté à la maladie. Le Guinéen est hospitalisé au centre de traitement de l'Ebola de Médecins sans frontières à Guéquédou, avec sa femme, sa fille aînée et son jeune frère. Moi, je n'ai pris qu'une seule perfusion. Ma femme en a pris jusqu'à 8. Mais toujours, elle était faible. Elle vomissait. La diarrhée était là. Ma fille, la même chose. Alors, après une semaine, le 24 matin, c'est ma fille Valérie qui meurt à mes côtés, dans le lit. C'était l'un des plus grands chocs que j'aurais eu, parce que je l'ai beaucoup aimée, ma toute première fille. Valentin, lui, doit apprendre à vivre avec une culpabilité qui va le hanter toute sa vie. En soignant sa sœur jumelle, il a contaminé sa propre famille. Elle était comme moi, c'est mon âme sœur. Vous voyez? Donc c'est ce qui m'a poussé à la garder jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme dans mes bras. Est-ce que vous saviez que vous risquiez de vous contaminer? Non seulement je savais que j'étais dans le risque de contamination, mais cet amour exacerbé a fait que je ne pouvais même pas imaginer les conséquences. Valentin dit puiser sa force en Dieu. Quand il a pris sa sœur dans ses bras, il a cru que sa foi inébranlable et un système immunitaire jusque-là infaillible l'épargnerait. Si j'avais accepté d'admettre ma sœur jumelle Valentine à la Croix-Rouge, nous n'en serions pas là. Alors, cette responsabilité, je l'incombe. Vous comprenez? Ça, je me sens touché. Non seulement de l'avoir perdue, mais à travers elle, d'avoir infecté les autres membres de la famille que j'ai aussi perdus. L'histoire de Valentin, c'est d'une tristesse infinie, Sophie Landlois, mais ça en dit beaucoup sur le drame humain que lui, mais que beaucoup d'autres vont vivre en 2014-2015. Parlez-nous de lui. Elle se continue, cette histoire de Valentin. On n'a pas tout entendu dans cet extrait, mais parlez-nous de lui, de ce que nous révèle son histoire. Elle nous raconte aussi la force des survivants. Parce que, on le voit, c'est quelqu'un d'éduqué et qui a quand même pris tous les risques pour sauver sa sœur jumelle. Je pense, on a essayé de le retrouver, on était en Guinée il y a deux mois, juste avant l'épidémie de coronavirus. On ne l'a pas retrouvé, mais ce qu'on sait, c'est que déjà, il souffrait d'être ostracisé. Oui. Il n'a jamais réussi à se trouver un travail dans un cabinet d'avocat. Il est resté conseiller juridique, mais il a aussi été... Parce qu'en été... contact, donc lui-même, pas du tout infecté, mais... Oui, infecté, malade, mais guéri. Donc avec ce diplôme qu'il n'était plus contagieux, oui, avec lequel il se promenait et qu'il montrait à tout le monde pour justement qu'on arrête de l'ostraciser, de l'écarter, de le marginaliser. Mais aussi, il a été recruté par MSF et d'autres ONG qui ont fait la même chose pour sensibiliser les populations à l'importance d'aller se faire soigner. On a recruté des survivants en disant « c'est pas vrai que vous devez absolument mourir seul chez vous ou laisser vos proches mourir seuls chez vous. Si c'est pris à temps, on peut vous soigner, oui, et on peut vous guérir. » Et je pense que des personnes comme Valentin qui ont accepté de jouer ce rôle, de dire « regardez, je suis vivant, j'ai survécu », ça a contribué à mettre fin éventuellement à, oui, cette épidémie. Beaucoup, beaucoup de sensibilisations, de campagnes ont été faites. Et comme ils étaient très nombreux et beaucoup avaient perdu leur emploi parce que l'économie s'était effondrée dans ces trois pays-là, ils ont été embauchés, souvent à des salaires de misère, mais quand même ils, je pense qu'ils l'auraient fait bénévolement, pour faire le tour de tous les quartiers, de toutes les grandes villes de ces trois pays, pour dire aux gens d'abord, lavez-vous les mains, en fait, tout ce qu'il faut savoir pour se prémunir, mm-hmm, de la contagion, mais aussi pour dire... Allez vous faire soigner si vous présentez des symptômes qui ressemblent à ceux de l'Ebola. Ouais. Un petit mot, Sophie Landlois, sur la façon dont vous avez travaillé pendant ces 5-6 jours où vous, mm-hmm, êtes en Guinée, dans ce contexte-là où il y a une épidémie qui fait des ravages. Je ne sais pas si vous avez vous-même eu peur pour votre propre sécurité, pour votre santé, mais comment on fait? On a peur avant de partir et on s'équipe en conséquence. Donc, on a eu notre formation pour savoir bien porter et surtout se déshabiller sans se désinfecter. On a pratiqué beaucoup ce déshabillage. On n'a pas eu à l'utiliser. On n'a pas porté finalement les habits de protection parce qu'on n'avait pas le droit de les porter dans l'espace où on a, nous a permis d'aller dans le centre de traitement d'Ebola de MSF où on a filmé à deux reprises durant cette semaine-là à Conakry, juste à côté de l'hôpital principal. Et je savais qu'on me reprocherait probablement le fait d'avoir peut-être pris des risques inconsidérés en allant dans un centre de traitement d'Ebola sans équipement de protection, mais je n'aurais pas pu y aller si j'avais insisté pour l'apporter parce que je devais suivre les règles de MSF. Et MSF nous disait, tant que vous restez dans cette zone d'accueil et la zone d'habillage pour tourner et interroger les gens qui s'en vont dans la zone où pour soigner des patients infectés, vous n'avez pas le droit de porter cet habit-là parce que vous risquez davantage de vous contaminer en l'enlevant. Or, vous n'en avez pas besoin. Et personne ne porte d'habits là où vous êtes, en fait. Si on va dans les quartiers, l'important, c'est pour faire notre travail, il faut s'approcher des gens. On n'aurait jamais pu le faire en habit de cosmonaute. De toute façon, ce n'était pas dans les règles, dans les normes de nous dire de se promener en habit de cosmonaute dans la ville. C'était si on allait dans un hôpital ou si on savait qu'on allait être exposé à des gens malades. Oui. Or, on allait dans des endroits où il n'y avait pas de malades d'Ebola, mais je savais quand même qu'on nous reprocherait de s'être exposé et de potentiellement exposer des Québécois à ce virus à notre retour. Ouais. Il y a eu effectivement une genre de psychose là, au retour qui a été quand même pas facile à gérer immédiat. Dans l'entourage, au travail, dans le public en général. Il a fallu que je sois en quarantaine volontaire pendant 21 jours. Ça va se terminer en 2015, cette épidémie-là. Graduellement, ça s'essouffle. Il y a des allers-retours. Hein? Mm-hmm. Oups, on pense que ça va bien, puis non, ça, on recule un peu. Mais donc, 2015, ça se termine. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de l'Ebola quelque part sur la planète? Il y a une épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, depuis août 2018. Elle est presque terminée, mais ça a été une éclosion qui a fait très, très, très peur durant les premiers mois parce que c'était dans un territoire en guerre où des groupes armés se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de l'accès à des mines. C'est une région très riche en ressources naturelles. Donc, c'était la première fois qu'on avait une épidémie d'Ebola dans une zone en guerre très compliquée, mais on voit que les leçons ont été tirées de l'épidémie de 2014 parce qu'il n'y a eu que 3500 cas identifiés, confirmés en un an et demi, presque deux ans. C'est peu, considérant la densité de la population là, mais le taux de mortalité demeure très élevé à 65%. Donc, ça reste un virus qui tue beaucoup plus que le coronavirus ou la COVID. Sophie Landlois, c'était passionnant de vous entendre, journaliste à Radio-Canada, spécialiste des dossiers qui touchent à l'Afrique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.